إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ou ta'ala ou bi'auni Allah l'explication du livre en langue française. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد ابن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On a donc terminé les trois grands chapitres et qui sont les principaux. Le premier qui était les règles concernant les noms d'Allah Azzawajal. Le deuxième les règles concernant les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ensuite le troisième chapitre concernait les règles à partir des preuves concernant les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Et donc, le dernier chapitre, c'est en fait le dernier chapitre, Inch'Allah, c'est un chapitre qui va être fondamental et très important également, comme la suite. Parce que si, dans les premiers, et plus précisément dans les deux premiers chapitres, on a mis en place à travers bien entendu les paroles du Shir, et on a édifié ces règles, elles ont donc été édifiées, elles ont été mises en place, elles ont donc été comprises Inch'Allah par tout le monde. On a vu que ensuite dans le troisième chapitre il a commencé le Shir à réfuter les méthodes et les règles des gens de l'innovation à travers donc les règles qui concernent les preuves, les noms et les attributs. On va voir ici dans cette dernière partie que c'est maintenant une réfutation qui va être donc entamée du début jusqu'à la fin, une réfutation qui va donc à l'encontre des gens de l'innovation, ceux qui sont tombés dans l'altération des textes, qu'ils appellent cela ta'wil, comme on l'a vu le cours dernier, qu'ils l'appellent par son nom ta'wil, c'est en réalité, comme on l'a vu, al-tahrif, c'est en réalité al-tahrif, ou alors al-ta'wil al-fasid, al-ta'wil al-fasid. Et donc le shir, il allait ici dans ce chapitre donner une réfutation qui dans un premier temps était de manière générale, qui est donc valable pour tous les textes qui concernent les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, et ensuite une réfutation plus détaillée qui va donc concerner des versets ou alors des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien précis qui ont été utilisés par les gens de l'innovation pour essayer donc de faire dévier les gens de la véritable croyance. Et ici, le sujet même de cette réfutation, c'est le suivant. C'est que les gens d'innovation, lorsqu'ils ont dit que nous avons le droit d'interpréter les textes, donc eux, ils appellent bien entendu ici ta'wil, interprétation, on a vu qu'en réalité c'est du tahrif, pour égarer les gens, ils ont une méthode. Cette méthode-là, c'est de rapporter des textes concernant les noms et les attributs, et de dire que les salafs et que les gens de la sunna du consensus, eux, ils sont tombés dans l'interprétation. Et que donc, si eux, ils ont interprété, donc nous sommes plus en droit d'interpréter. Donc ça, cette muqaddima, cette présentation, ou la présentation de cette réfutation, on l'a vu la semaine dernière, on l'a expliqué la semaine dernière. Et donc, comme le shir l'a dit, il allait donc répondre par deux réponses. et donc réfuté de manière générale et ensuite de manière beaucoup plus précise, plus particulière. Pour ce qui est de la première réponse ou de la première réfutation, qui va être elle générale, qui va être considérée comme une règle, qui va être considérée comme une qa'ida. Donc on va répondre à ces gens d'innovation de cette façon. فيقول الشيخ ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فيتلخص في شيئين. Donc il va commencer par ce qui est général, المجمل, ce qui est global. C'est la première réponse, donc la première réfutation ici. Il nous dit أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. Donc le premier point de cette première réponse qui est globale, il dit le cheikh que jamais nous n'acceptons de dire que les salafs ou l'explication qu'ont donné les salafs par rapport aux noms et aux attributs, aux textes concernant les noms et les attributs de façon générale, ils ont fait dévier ces preuves ou ces textes de leur sens apparent. Ça, nous n'acceptons pas de dire une telle chose, ce que nous dit le chien. Là, nous saluons. Nous n'acceptons absolument pas cette parole-là, de dire que les salafs sont tombés également dans ce qu'ils appellent donc « al-ta'wil » et qui est pour eux de faire dévier le texte, le sens du texte, de ce qu'il indique en apparence. Il va nous dire, le chien, pourquoi cela ? Parce qu'en réalité, comme on a bien vu la dernière fois, lorsqu'on dit « ta'wil », ce terme même, au niveau de l'aura, au niveau de la langue, d'un point de vue étymologique, « ta'wil », ça a pour signification le tafsir. Ça a pour signification, donc, l'explication. Donc, comme on l'a vu, on peut dire « tafsir al-Qur'an », comme on peut dire également « ta'wil al-Qur'an », comme l'ont fait les salafs. Et précisément Ibn Jarir al-Tabari et les autres savants du tafsir, lorsqu'ils expliquaient les versets du Coran, ils disaient ta'wil, ta'wil hadhihi al-aya, c'est-à-dire donc ils voulaient parler tafsir hadhihi al-aya. Donc à partir de là, les salaf jamais n'ont fait dévier le texte de son sens apparent. Et ils nous disent, cher, pourquoi cela? Ils m'ont donné une explication, ils m'ont donné donc des explications par rapport donc à certains textes ou à différents textes. Mais de quelle façon? En revenant, comme on l'a dit, comme on l'a vu déjà, et comme nous l'a expliqué le Cheikh Rahimullah, en revenant aux règles de la langue arabe. Et c'est ce qu'il va réexpliquer ici, le Cheikh, ce qu'il va refaire apparaître. On avait donné l'exemple de Al-Qariya, donc du village. On a vu que, suivant le contexte où était utilisé ce nom, suivant son exposition dans les versets, tantôt il voulait dire les habitations, tantôt il voulait dire les gens, taïb. Et donc ici c'est une explication qui va être donnée du sens de ce terme, qui va prendre plusieurs formes suivant le contexte où il est placé, tout simplement. Et ça ne veut pas dire donc à ce moment-là qu'on explique Al-Qariya. Par moment on dit que c'est les habitations qui sont voulues, par moment on dit que ce sont les gens qui sont voulus. Ce n'a pas été du ta'wil, bimarna tahrif, c'est-à-dire qu'on a altéré le sens, ou alors qu'on l'a fait dévier de son sens apparent. C'est bel et bien son sens. Et ce qu'il indique en apparence, simplement, il est différent parce que il était utilisé de manière différente, dans un contexte qui est différent. C'est ce qu'il va nous dire, le shir. Car il dit ici, le shir, que, comme on l'a vu, l'apparence, ou le sens apparence du terme, ou du texte, ou de la parole, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. Taïb. Et bien entendu, wa yahtalifu bihasab al-siyaq. Donc il va être différent selon le contexte où il est placé. Wa ma yudafu ilayhi al-kalam. Et ce qui va être également annexé comme parole, ou comme texte, ou comme terme, on va lui annexer des termes à ce texte ou à cet autre terme, il va prendre une autre signification, tout simplement. وَالْكَلَامُ مُرَكَّبْ مِنْ كَلِمَاتٍ وَجُمَلٍ. Et également, la parole, la phrase, elle est donc construite par des termes, par des phrases. وَالْكَلَامُ يعني la parole de façon générale, elle est construite par des termes, par des mots, par des phrases. Et il va apparaître donc sa signification. Et on va donc choisir le sens de cette parole lorsqu'on regarde dans quel contexte il est placé. Et lorsqu'on également rapproche les uns aux autres, ou alors lorsque on les annexe les uns aux autres, c'est-à-dire lorsque ces termes-là ils sont compris dans une phrase, ils constituent ensuite une phrase. Alors à ce moment-là, on regarde donc ces termes, comment ils ont été formés, comment ils ont été construits, et ensuite donc on en donne le sens, suivant bien entendu les règles évidentes de la langue arabe. Car comme on l'a dit, et comme on le répète, les textes religieux sont fondés, ou plutôt, ils ont été exposés en fonction des règles de la langue arabe. En fonction des règles de la langue arabe. Donc ils sont en conséquence de ces règles-là, des règles de la langue arabe. Donc on doit s'y référer de manière la plus naturelle. Donc à ce moment-là, on n'appelle pas ça « ta'wil », c'est-à-dire dans le sens où on va faire dévier le texte de son sens apparent. Non. On va bel et bien donner son sens apparent, mais bien entendu, il peut être différent, suivant donc ces caractéristiques qu'on a données, suivant les effets de la langue arabe, qui sont donc ici apparents, qui apparaissent donc, suivant bien entendu les différentes phrases, suivant donc les constructions et les expositions, le contexte, etc. Ça, c'est le premier point de réponse, le premier élément de réponse. Ensuite, le chien nous dit ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهن وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc le cheikh nous dit, si on admet que les salafs ils ont donné donc une explication, et que cette explication qu'ils ont donnée à propos de certains textes, des noms et des attributs, ça a eu pour conséquence de faire dévier le sens de ce qu'ils indiquent en apparence, alors il dit le cheikh, فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. C'est-à-dire s'ils font ça, alors à ce moment-là, ils ont automatiquement une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imam ut-tasila, c'est-à-dire que cette preuve elle soit rattachée, qu'on retrouve en réalité la preuve même dans le texte, au monde fasilan, ou qu'on retrouve, c'est-à-dire ici c'est pareil, qu'on retrouve donc une preuve dans un autre texte qui va donc venir expliquer ce texte, taïb, donc c'est explication de texte par un autre texte, ou alors explication du même texte par ce même texte, c'est-à-dire par les différents termes ou les différentes phrases qui s'y trouvent et qui donnent donc une preuve claire et nette à l'explication qui va être donnée par rapport à ce texte concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et nous dit le Seigneur ici وَلَيْسَ لِمُجَرَّدِ شُبُهَاتٍ يَزْعَمُهَا الصَّارِفُ. C'est-à-dire ce n'est pas par une unique ou une simple ambiguïté que celui donc qui va ici faire acte en réalité de tahrif ou les sat-ta'wil, qui va donc lui avancer et qui en réalité repose sur aucune preuve, uniquement sur ce que lui il voit comme ambiguïté, et qui va de par cela et bien entendu ici c'est de par sa raison comme on l'a expliqué auparavant, il va donc de par cela arriver à un résultat qui est de renier ce qu'Allah Azza wa Jal il a attesté pour lui-même, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de son Seigneur. Donc lorsqu'on parle ici de ta'wil, ici on le prend bima'na tafsir, na'am, on le dit dans le cas des salafs, et bien entendu lorsqu'ils expliquent eux, ils expliquent suivant les preuves, même du Qur'an ou de la sunna, que ce soit donc une preuve qui est rattachée au texte même, ou alors séparée de ce texte-là. Mais ce qui est rejeté chez Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est tout simplement de donner des interprétations qui sont en réalité des altérations du texte et qui ne donnent en aucun cas ce qu'ils indiquent en apparence par leur propre raison et par les ambiguïtés qu'eux ils ont. Comme on l'a vu à l'exemple de Al-Mu'attilin. On a vu que l'ambiguïté, c'est que lorsqu'ils lisaient les textes propres aux noms et les attributs d'Allah Azzawajal, eux directement, ils en comprenaient At-Tashbih ou At-Tamthil, pour être plus exact, At-Tamthil, qui est l'anthropomorphisme. Donc, comme on l'avait dit, Al-Mu'attil, Yumathil awalan, Thumma Yu'attil. C'est-à-dire que le Mu'attil, celui qui renie les textes des noms et les attributs, dans un premier temps, lui, il fait un acte d'anthropomorphisme dans sa compréhension des textes. Et après cela, pour donc s'écarter de cet anthropomorphisme, mu'attil, c'est-à-dire qu'il renie les textes du Coran ou de la Sunna comprenant les noms et les attributs. Ça donc, c'est la réponse du shir de façon générale. Et c'est ce qu'on va donc appliquer à tous les textes du Coran et de la Sunna. Où soi-disant, les gens de l'innovation, ils ont avancé que les gens de Al-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, que les salafs sont tombés dans quoi ? Dans le ta'wil, dans l'interprétation. Entre parenthèses, bien entendu, l'interprétation qui n'est pas valable, qui ne repose sur aucune preuve même du Qur'an ou de la Sunna. Donc ça, on va leur répondre, et c'est donc ici une qa'ida, c'est donc une règle dans cela, et donc une réfutation, pour ce qui est donc de ce qu'ont avancé les gens d'innovation. Maintenant, pour ce qui est de Al-Mufassal, il dit le shir, donc pour ce qui va être détaillé, ou amal mufassal, فعلى كل نص ادعى أن السلف ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقلوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. Donc Al-Mufassal, on va ici élucider donc durant la suite de ce chapitre là il va nous donner des textes précis, donc soit des versets du Coran ou soit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui sont tombés dans le ta'wil, ils ont dit que les salafs eux-mêmes avaient fait acte d'interprétation. Bien entendu, acte d'interprétation, comme on l'a vu, interprétation facile, celle qui ne correspond pas à ce que indique le texte, qui ne repose sur aucune preuve. Donc le shir ici, pour ce qui est des réponses, il va donc y répondre un par un. Donc il va nous donner plusieurs exemples, on va en voir une vingtaine à peu près. Et on va s'apercevoir, inshallah ta'ala, qu'il y aura une réponse détaillée pour chacun d'eux. Le premier exemple qu'il va nous donner, c'est en réalité les trois premiers exemples. C'est tous des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va voir s'ils sont authentiques ou pas, bien entendu. Et c'est ce qu'a rapporté l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, à propos des Hanbalites. Et il a dit, donc il a rapporté à propos de certains Hanbalites, et qu'il a dit que l'imam Ahmed, rahimahullah, il n'est pas tombé dans l'interprétation sauf dans trois choses. Et c'est les hadiths qu'on a cités en arabe. On va y revenir donc dessus, sur ces trois hadiths en détail. Taïb, donc le premier, qui est le suivant: Al-Hajar al-Aswad yaminullahi fil ard, Qulub al-Ibad bina usbu'in min asabi' al-Rahman. Et le troisième: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. Donc ici, bien entendu, c'est un naql, c'est ce qui est le shir Charles Othémin, dans son livre ici, il a repris donc ces paroles là de Charles Islam Ibn Taymiyyah lui-même, fait Majmu' al-Fatawa à la page 398, qui est le volume 5. Et après avoir cité cela, Charles Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, après avoir cité ces paroles de l'imam al-Ghazali, qui lui le rapporte soi-disant de certains Hanbalites, il dit: هذه الحكاية, donc ce qui est rapporté ici, كذبون على أحمد, c'est donc un mensonge par rapport à l'imam Ahmed. Et on sait, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, cet océan de science, On sait donc, lorsqu'il dit et qu'il affirme que c'est un kadhib à propos de l'imam Ahmed, on sait la valeur de cette parole-là. Car on sait que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, à la base, c'est un hanbalite et qui connaissait donc sur le bout des doigts le madhab de l'imam Ahmed, rahmatullah, les paroles de l'imam Ahmed, et encore plus précis, et encore plus précisément dans la croyance. Et donc, lorsqu'il dit que cela est faux, c'est un mensonge à propos de l'imam Ahmed, donc on connaît à partir de là la valeur de cette parole-là. Donc, si on voulait, on s'arrêterait ici. Pourquoi donc répondre à cette parole alors que ça n'a aucune authenticité auprès des salafs? Ici, en l'occurrence, l'imam Ahmed, qui fait partie, bien entendu, des salafs, qui fait partie d'un des grands imams, dont l'école de jurisprudence fait partie ensuite des écoles al-Sunnati wal-Jama'a, une des quatre écoles al-Sunnati wal-Jama'a. Donc on voit ici que c'est un kadhib. Et ça, c'est vrai que c'est une méthode à avoir pour chaque personne qui étudie la science. La personne qui va étudier la science, il va automatiquement entendre et écouter des chouboîtes, des ambiguïtés de la part des gens de l'innovation. Et on va s'apercevoir que dans beaucoup de cas, ces chouboîtes qui sont données, en réalité, elles ne sont pas authentiques. Par moments, ils vont s'appuyer sur une histoire à propos du prophète, ou une histoire qui s'est passée du temps des Sahaba. Lorsqu'on regarde cette histoire, lorsqu'on regarde ce hadith, ou alors cette histoire qui est arrivée, on voit qu'elle n'est pas authentique. D'après les règles bien établies dans notre religion, pour authentifier les paroles, ou alors les hadiths, ou alors les histoires qui sont arrivées du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va s'apercevoir qu'elles ne sont pas authentiques. Donc on voit qu'ils vont, eux, construire leur ambiguïté et qu'ils vont donc essayer de troubler les gens de la sunna du consensus par des choses qui sont à la base non authentiques. Donc ça, c'est la première chose à voir. C'est l'authenticité de la preuve qu'ils apportent. Et combien de fois on a entendu donc des hadiths qui sont dits, ou alors des histoires qui sont arrivés du temps du prophète Sun, et lorsqu'on fait un tahqiq, un ilmi, lorsqu'on donc étudie le texte ou la preuve qui est apportée de manière scientifique, on s'aperçoit qu'elle n'est pas authentique. Donc à partir de là, tout s'effondre. C'est toute une argumentation qui s'effondre. Donc ça, c'est la première chose. Taïb. Malgré cela, même si c'est un mensonge, car en réalité les salafs n'ont pas interprété à partir de ces trois hadiths, en l'occurrence l'imam Ahmed, le chir, bien entendu, va quand même répondre. Il va répondre par rapport à ces trois hadiths. Le premier hadith qui est le suivant. Al-Hajar al-Aswad yaminullahi fil ard. Bien entendu, ici yamin, c'est bimarna al-yad, c'est-à-dire la main, et la main droite. Donc, la traduction du hadith, Al-Hajar al-Aswad, tout le monde connaît, qui est la pierre noire, c'est la main droite d'Allah Azzawajal sur la terre, c'est la main droite d'Allah Azzawajal sur la terre. Ça, c'est le hadith qui est rapporté et qui, soi-disant l'imam Ahmed, on a vu que c'était faux, qu'il a interprété. Dans un premier temps, il faut voir l'authenticité de cette parole-là. Est-ce que c'est la parole du prophète, est-ce que c'est un hadith qui est marfoua? On va s'apercevoir que ce hadith, comme il nous dit le shir, wal jawab anhu, donc il répond à ce hadith, annahu hadithun batil. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي في العلال المتناهية هذا حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. Donc, comme on l'a dit, c'est un hadith qui n'est pas authentique, comme nous l'a rappelé le shir lui-même en rapportant les paroles des savants de l'islam, comme Ibn al-Jawzi, comme Ibn al-Arabi, comme Cheikh al-Islam lui-même. Également, un hadith qui est rendu munkar par Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh, fi silsilat al-da'ifa, al-hadith al-da'ifa, dans le numéro du hadith qui est le numéro 223. Hadith donc qui est rendu par Cheikh al-Albani, munkar. Donc déjà à la base, on n'a pas parlé d'un hadith qui n'est pas donc authentique. On n'a pas besoin, comme dit le shir, on n'a pas le besoin donc de l'expliquer. À la kulli hal, nous dit ensuite, لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى كلامه، يعني من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. Donc il dit, il nous rapporte chez l'islam Ibn Taymiyyah que cette parole longue, ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole, et ça bien entendu, entre parenthèses, a confirmé donc l'authenticité, c'est bien une parole d'Ibn Abbas. Donc il dit, c'est-à-dire en revenant au Sanid, c'est-à-dire aux chaînes de transmission, par rapport à la parole d'Ibn Abbas, soi-disant donc la parole d'Ibn Abbas, « Innama huwa min Ibn Abbas » il nous dit, cela rapporté d'Ibn Abbas, Tayyib, cette parole-là. Et donc ici la parole complète d'Ibn Abbas, Al-Hajar al-Aswad yaminullahi fil ard. Donc la pierre noire, c'est la main droite d'Allah Azzawajal sur la terre. Donc celui qui la touche, celui qui l'embrasse, c'est comme si donc il avait serré la main d'Allah. C'est comme il avait serré donc la main d'Allah et c'est comme s'il avait embrassé sa main droite. Taïeb. Donc il nous dit ici ensuite le shir, shir al-Islam, Oumen tadabbar al-Lawr. Celui donc qui va voir cette parole donc de Ibn Abbas. Il va s'apercevoir qu'il n'y a aucun problème par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il a dit « Aminullah il fait l'arbre ». Donc, la main droite d'Allah Azzawajal sur la terre. « Wala mutla ». Il n'a pas dit donc cette parole « Aminullah ». C'est-à-dire la main droite. C'est tout. Mais il a dit « fil l'arbre ». Il a dit sur la terre. Et comme il nous dit, bien entendu, le statut de ce texte, ou de cette parole, « Hukm al-Lawr » dans le Muqayyad, le statut de ce terme, qui est bien entendu ici restreint, « Muqayyad », il est différent, totalement différent de son statut général, c'est-à-dire s'il aurait été employé de manière générale. Ici, plus précisément, si la parole avait été « Yaminullah », c'est tout. « Yaminullah », « Yaminullah », la main droite d'Allah Azzawajal. Taïb. Mais ici, c'est bien « Yaminullah fil ard », « Muqayyad fil ard », c'est-à-dire dans la terre. Donc, c'est bien « Muqayyad », c'est bien restreint. Donc, à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a une grande différence au niveau de la compréhension à avoir. Car donc, comme il dira plus loin le shir, ça ne fait pas partie de min sifatillah, ça fait partie des attributs d'Allah Azzawajal, ici. C'est-à-dire, en l'occurrence, Hajar al-Aswad. Al-Hajar al-Aswad. Et en plus de cela, si on voit la fin de la parole, et qui est donc la suivante, فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهُ وَقَبَّلَ يَمِينَ. Donc on s'aperçoit ici. Et comme il nous dit le shir, c'est de façon explicite que celui qui a donc touché la pierre noire, il n'a pas touché la main droite d'Allah Azzawajal aslan, à la base même. Mais ici, bien entendu, il y a, comme yaqul, walakin shubbiya biman yusafih Allah. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait serré la main d'Allah Azzawajal. C'est comme s'il avait serré la main d'Allah Azzawajal. Donc il y a une différence entre dire c'est comme s'il avait fait et de dire il a fait. De dire c'est comme s'il avait fait et de dire il a fait. C'est une différence qui est total ici. Donc, comme il dit le shir, fa'awal al-hadith. Donc, le début du hadith jusqu'à la fin, bien entendu, c'est le hadith d'Ibn al-Athar. C'est-à-dire la parole d'Ibn Abbas, si bien entendu, elle authentifie un Ibn Abbas. Il dit donc le début de cette parole et la fin de cette parole prouvent bien que al-Hajar, donc la pierre ici, al-Hajar al-Aswad, pierre noire, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah Azzawajal. Et comme cela, bien entendu, est clair pour toute personne douée de raison. Et on sait que le Hajar al-Aswad, c'est uniquement une pierre. On se rappelle la parole d'Ibn Omar ou de Omar, radiallahu ta'ala anhu, la parole d'Omar, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il l'avait bien entendu touché, il avait dit, Inni a'lamu anaka hajar, la tadur wa la tanfa. C'est-à-dire, tu ne commets pas, ou tu ne fais pas de préjudice, ou tu ne causes pas de préjudice, et tu n'apportes pas de bienfait, uniquement donc une pierre. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc te toucher, t'embrasser, je ne t'aurais pas touché et embrassé. Donc pour bien prouver que ici c'est ta'abbud. Lorsqu'on fait cela, lorsqu'on touche la pierre, lorsqu'on embrasse la pierre, c'est min bab ta'abbud. C'est donc un acte d'adoration que l'on fait, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, et parmi aussi les autres hikam, les autres sagesses qui sont citées à propos de Al-Hajar al-Aswad et qui sont fabites en Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À la kulli hal ici, pour ce qui est de ce hadith, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Il n'est pas rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, ça c'est la première chose. Et si on considère qu'il est authentiquement rapporté par Ibn Abbas, c'est-à-dire que c'est une parole d'Ibn Abbas, alors à ce moment-là, on a vu l'explication qui est donnée. Donc il n'y a même pas à faire de ta'wil ou autre, car ici, il y a, ça ne rentre pas dans hadith al-sifat, ça ne rentre pas donc dans les hadiths qui sont propres aux attributs d'Allah Azzawajal. Ensuite, pour ce qui est du deuxième exemple qui va nous donner le shirk, qui rentre donc toujours dans ce qui a été faussement attribué à l'imam Ahmed, comme quoi il est tombé à propos de ce hadith sur ou dans l'interprétation. Al-Mithal al-Thani. قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن. Donc ce hadith, et qui est lui bien entendu un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Muslim في كتاب القدر, dans le chapitre la prédestination, un hadith عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أسبوعين من أصابع الرحمن قلب واحد يصرفه حيث يشاء يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Donc ici dans ce hadith qui est bien entendu ici authentique, la ishkal, hadith qui est authentique rapporté par l'imam muslim dans son authentique, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمْ كُلَا بَيْنَ أُسْبُعَيْنْ مِنْ أَصَابِعَ الرَّحْمَنِ. Les cœurs des enfants d'Adam, tous ces cœurs-là, sont entre les deux doigts, parmi les doigts du Tout Miséricordieux. بَيْنَ أُسْبُعَيْنْ, أُسْبُعَيْنْ, ici deux doigts, qui est le singulier qui est أُسْبُعَ, donc les deux doigts, مِنْ أَصَابِعَ الرَّحْمَنِ, parmi les doigts du miséricordieux. Qalbun wahid, comme un cœur, comme un seul cœur. Donc il se trouve ici comme un seul cœur. Yusarrifu haythu yasha. Il les commande comme il veut. C'est-à-dire donc en guidant certains, en faisant dévier certains de la voie. Haythu yasha. Yani comme il veut. Comme il veut. Donc on voit ici yasha al-mashi'a. Mashia. Bien entendu, cette Mashia, mabniyun ala hikma. C'est une Mashia mabniyatun ala hikma. C'est donc une volonté d'Allah Azzawajal qui repose sur sa sagesse. Et on sait qu'Allah Azzawajal, il guide ceux dont ils veulent pour eux-mêmes la guider. Et il égare ceux dont ils veulent pour eux-mêmes l'égarement. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'une personne qui veut avec toute sincérité, qui veut être guidé par Allah Azzawajal avec toute sincérité et qui a un cœur qui est safi, un cœur qui est donc blanc, un cœur qui est pur, qu'Allah Azzawajal le fasse dévier de la voie. C'est pour ça que dans un des versets du Coran, il dit Allah Azzawajal فَلَمَّ أَزَارُوا أَزَارُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Donc lorsqu'ils ont commencé à dévier, alors Allah Azzawajal fait dévier leur cœur. Donc on voit ici lorsqu'ils ont commencé à dévier. Et on sait également que dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la tauba et autres, on sait qu'Allah azzawajal accepte celui qui revient à lui, et qu'il se dirige vers celui qui revient à lui, celui qui marche à lui, celui qui court à lui, Allah azzawajal revient à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, c'est une mashia, et c'est une mashia, donc une volonté qui repose sur la sagesse, subhanahu wa ta'ala, sur la sagesse d'Allah azzawajal, sur la science d'Allah azzawajal. Il sait donc ce qu'il y a dans le cœur de ses esclaves. Et donc c'est pour ça que nous-mêmes on demande, comme le prophète sallam nous enseigne ici, Allahumma musarrif al-qulub. Donc celui qui fait délier les cœurs, ou celui qui guide, ou celui qui écarte les cœurs du droit chemin, sarrif qulubina ou sarrif qulubana ala ta'atik. Alors qu'il oriente nos cœurs ou oriente nos cœurs sur ton obéissance ou dans la voie de ton obéissance. Inam. Car ici, ce qu'on peut en tirer de ce hadith-là, c'est que l'homme, tout le temps, il demande la guidance. Tout le temps, il demande la guidance à Allah Azzawajal. Et il prend garde de ne pas tomber dans l'égarement, de ne pas tomber dans la déviation, dans la croyance. Ayyadan billah. Daiman yasalullah al-thabat. Yasalullah al-hidayah. Et comme dans cette dua, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Tayyib. Donc ici, pour ce qui est maintenant de ce hadith, les gens d'innovation, ils ont dit, donc, min ahli sunnah ou min al-salaf, il nous dit le shaykh, waqad akhad al-salaf ahli sunnah bi-dhahir al-hadith. Il nous dit donc, les salafs, en réalité, ils ont pris, les salafs et les gens de la sunnah, ils ont pris ce hadith suivant son apparence. Waqad, inna lillahi ta'ala asabia, haqiqatan yufbituha lahu, kama afbata lahu rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont dit, nous attestons que Allah Azzawajal appartient à des doigts, et ça, des doigts véritables, qui sont bien entendu propres à lui, subhanahu wa ta'ala, suivant les règles qu'on a vues auparavant. Et que ça fait bien partie donc ici, ça fait bien partie des hadiths qui sont propres aux attributs d'Allah Azzawajal. Donc, haqiqatan, des véritables doigts, subhanahu wa ta'ala, qu'il a, mais des doigts qui sont propres à lui. Nuthbitwa lahu kama athbataha lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous attestons dans le droit de notre Seigneur qu'il a des doigts, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète, il a attesté. Lorsqu'il a dit, bayna usbu'ayn min asabi'i ar-Rahman. Donc, ça, c'est une preuve. Wala yalzam min kawni qulub bani Adam bayna usbu'ayn minha an takuna mumassatun ou an takuna mumassatan laha hatta yuqal. إن الحديث مهم للحلول فيوجب صرفه عن ظاهره فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما وقلوب بني آدم كلها بين أسبوعين من أصابع الرحمن حقيقة وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مُمَاسَ وَلَا حُلُولُ. Donc, après que les gens de la sunna, après que les salafs, ils ont attribué à Allah Azzawajal cet attribut, qui est donc ici les doigts, lorsqu'ils les ont attribués à Allah Azzawajal, comme le prophète l'a fait à son Seigneur, donc ils ont pris le dhahir al-hadith. Il n'y a aucune interprétation ici, ou altération du texte, ou altération du texte. Mais, ils ont dit, le fait de dire que, en reprenant le hadith, que les cœurs de Bani Adam, des enfants d'Adam, tous sont entre les deux mains, ou Arfan sont entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire ici que Allah azawajal touche ces cœurs-là, moumassa, qu'il y a donc ici un contact. Jusqu'à ce que l'on dise donc, ou lorsqu'on comprenne que le hadith, en réalité, il va induire ce qu'on appelle al-hulul, ce qu'on appelle donc al-hulul, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est parmi nous, ou plus précisément qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit bien entendu al-hulul, al-hulul, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait avec nous, c'est-à-dire de par son entité. Donc ici, vu que ses doigts, que tous nos cœurs seront entre ses deux doigts. Adam muhimu lil-hulul. Donc, si on dit cela ou si on comprend cela, il faut automatiquement faire dévier le sens ici du hadith de ce qu'il indique en apparence. Car automatiquement, ça va nous faire tomber dans cette ambiguïté de comprendre qu'Allah Azzawajal est parmi nous, subhanahu wa ta'ala. Et le shia, donc, il va répondre à ce que eux, les gens d'innovation, ils ont interprété, ils ont été altérés. Ils veulent dire ce qu'on dit, que inna qulub bani Adam kulluha bayna usbu'ayn min asabi'i ar-Rahman. Donc ça ne veut pas dire ce qui pourrait nous faire tomber dans l'ambiguïté. Et il va nous donner des exemples par rapport à la langue arabe, qui est plus qu'évidente, car on voit bien encore que si le hadith, comme tous les hadiths, ils sont en langue arabe, il est en langue arabe, donc on doit comprendre suivant les règles de la langue arabe. Il nous dit, fahada as-sahab. Donc le nuage qu'on voit au-dessus de nous, musakhar bayna as-sama'i wal ard. Donc il est assujetti entre le ciel et la terre. Wa la yamassu as-sama'a wa la al-ard. Il ne touche pas donc le ciel, on a entendu l'eau du ciel, voilà l'ard, et il ne touche pas donc la terre. Et pourtant on dit Musakhar Beina Samaï wal ard, entre eux, il est donc assujetti à entre eux. Beina, on voit bien ici que le terme il est employé ici, Beina, comme dans le hadith. Beina Uzbu'ayn min Asabi ar-Rahman. Donc il nous dit le shir, wa la yamsu as-samaa'a wa al-ardh. Et lui donc il n'a aucun contact, il n'a pas de contact avec le ciel, il n'a pas de contact avec la terre. De même, yuqal, toujours donc dans les exemples de la langue arabe, yuqal badr. Donc tout le monde connaît le badr, le mekan bien entendu, le lieu. Badr, baina Mekkata wa al-Medina. On dit cela, badr est entre Mekka et Medina. C'est-à-dire, on sait que Badr est très loin de Mekka et n'est pas en contact avec Mekka. On sait également que Badr est très loin de Medina et n'est pas en contact avec Medina. Pourtant, on dit qu'elle se trouve entre Mekka et Medina. Taïl, donc on voit qu'au niveau de la langue arabe, lorsqu'on utilise ce terme-là, Badr ou Baina, c'est-à-dire donc cette Mekka, où ce lieu est entre ce lieu-là et ce lieu-là, de même, ça ne veut aucunement dire et n'a pas la signification qu'il y a ici contact entre les deux villes, ou alors qu'elle se trouve automatiquement en contact avec ces deux villes. Taïb, donc c'est plus que clair. De même, il nous dit Faqulu bani Adam kulluha, Faqulu bani Adam kulluha bayna usbu'ayn min asabi ar-Rahman haqiqatan. C'est-à-dire que les cœurs des enfants d'Adam sont bel et bien entre les deux doigts, parmi les doigts du très miséricordieux, subhanah. De façon réelle. Et ça n'implique pas ici qu'il y a donc ici un toucher. Ou alors qu'Allah Azzawajal serait parmi nous, subhanahu wa ta'ala. Qu'il serait mélangé à nous, subhanahu wa ta'ala. Aucunement. Ça n'implique absolument pas cela, cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les salafs, ils ont bien compris le hadith suivant son zahir, suivant donc son apparence. Et ils l'ont compris suivant ce qu'indique la langue arabe. Et que ici, lorsqu'il utilisait le terme Beina, on traduit donc par entre, Inna qulub bani Adam kullaha Beina usbu'an min sabi ar-Rahman, ça ne veut pas dire donc qu'il y a ici un toucher. Et bien entendu, ça fait partie de sifat illah, ça fait partie des attributs d'Allah Azzawajal. Donc ensuite, il nous est interdit d'essayer de se poser la question sur le comment de cela. Comment les cœurs des hommes sont entre les deux doigts du Ar-Rahman. Comment ? Ça, ça nous est strictement interdit, comme on l'a vu auparavant. Car il n'est pas possible de comprendre le comment des attributs. Donc on revient toujours ici au règle. Ça, c'est le deuxième exemple. Ensuite, le troisième exemple, il nous dit le Cheikh, Rahimullah, Al-Mithal Thalif, donc toujours un des hadiths qui a soi-disant été interprété par l'imam Ahmed, et ceci qui est faux, il dit Inni Ajidu nafas ar-Rahman. Inni Ajidu, donc ça c'est la parole du prophète. Inni Ajidu nafas ar-Rahman min qibal al-Yaman. Il dit le shir, wal jawabu an hadha al-hadith rawahu l'imam Ahmed fi Musnad. Donc je ne donne pas la traduction directement, et ça de manière volontaire, car il y a un terme ici qu'on va expliquer, pour bien comprendre ici dans son contexte ce qu'il veut dire. Et si je donne la traduction, automatiquement je donne directement la signification. Donc Inni Ajidu نفس الرحمن من قبل اليمن الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن قال في مجمع الزواهد رجاله رجال صحيح غير شبيب ووثقة قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد رواه البخاري نحوه في التاريخ الكبير. طيب, pour ce qui est de ce hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas dans un premier temps? Il faut savoir que l'imam Al-Albani rahmatullah alayh, donc il nous a rapporté donc une parole, il nous a dit d'abord que c'était un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. طيب. Et ensuite, il nous rapporte donc des paroles des savants qui voient que donc les hommes qui constituent la chaîne de transmission de ce hadith sont fidèles, sont fiables, pour être plus précis. À la coulée, sans entrer dans les détails, on va s'apercevoir que ce hadith, il est rendu non authentique par l'imam Al-Albani. Fi silsilat al-hadith al-da'ifa. le hadith qui est numéro 1097. Biad al-Lad, donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on retrouve auprès de l'imam Ahmed et d'autres. Inni ajidu nafas al-Rahman min huna yushir ila al-Yaman. Mais il faut savoir qu'ensuite, l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, il est revenu sur le hukm de ce hadith. Et si l'on regarde le dernier tome qui est sorti de la silsilat al-Ahadith al-Sahiha, on va s'apercevoir que Charles al-Albani est revenu sur son tadaif, sur le fait d'avoir rendu non fiable ce hadith, et qu'il va même le rendre fiable. Et on va retrouver donc la parole du Cheikh, rahimullah, fi al-Sahiha, que l'on va lire, parce que ça va également nous permettre de comprendre quel est le sens de ce hadith, et que l'on prend, on prend bien ce hadith suivant son apparence. Et c'est le hadith qui se trouve donc, où le numéro du hadith, c'est le 3367, ça c'est bien entendu fi silsilat al-ahadith al-sahiha, et qui est donc al-mujallad al-sabi' al-qism al-thani, qui est donc le volume, le septième volume, et qui est la deuxième partie du septième volume. Donc le hadith 3367. Et c'est un hadith qui est rapporté, ou cette version du hadith qui est rapportée par l'imam al-Tabarani, l'imam al-Tabarani, fil Mu'jam al-Kabir. Il faut savoir que du vivant de l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, le Mu'jam al-Kabir, l'imam al-Tabarani, il n'avait pas été édité. Donc il ne l'avait pas sous la main, le shir. Et c'est vrai que lui-même, il le dit dans ses livres, il dit ensuite, lorsqu'on lui a envoyé une nusra de ce livre-là, le Mu'jam, Mu'jam al-Kabir de l'imam al-Tabarani, il est revenu sur plusieurs hadiths. Car on sait que al-Muhaddith yahkum al-Hadith al-Hasab al-Asanit allati yaqif alayha. C'est-à-dire que le Muhaddith, lui, il étudie le Hadith en revenant à toutes les chaînes de transmission qu'il peut donc rassembler. Il se peut que pour un Hadith, il rassemble plusieurs chaînes de transmission. Toutes les chaînes de transmission, elles ne peuvent renforcer le Hadith ou alors le rendre authentique. Toutes tant qu'elles sont, elles sont faibles. Taïeb, donc le hadith, il reste faible. Il se peut ensuite que ce muhadith, il tombe sur un livre que lui, il n'avait pas ici, en l'occurrence, le mu'jam, l'imam al-Tabarani, et qu'il se trouve dans ce mu'jam des hassanites de ce hadith qu'il avait auparavant jugé faible, qu'il trouve ensuite une isnad ou plusieurs hassanites en chaîne de transmission qui, elles, sont fiables. Et qui, elles, vont rendre le hadith authentique. Et c'est ce qui s'est passé ici pour ce qui est de ce hadith. Taïb. À la kulli hal, donc, le hadith est authentique. Le hadith, donc, il est authentique. Quelle va être maintenant la signification de ce hadith? Il nous dit le shir. وَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الظَّاهِرِ وَالنَّفَسْ فِيهِ اسْمٌ مَصْدَرْ فِيهِ اسْمٌ مَصْدَرْ نَفَّسَ يُنَفِّسُ تَنْفِيسًا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة قال في المقاييس قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبه نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات كما في مجموعة الفتاوى. طيب. Donc ici, quelle va être en réalité l'ambiguïté? Ça va être un terme, un seul terme de ce hadith, et qui est nafas. Certaines personnes, et donc les gens qui sont tombés fi ta'wil, eux ont compris ici nafas. Al-Nafas, c'est-à-dire la respiration. Al-Nafas, ils l'ont compris. Il veut dire, ce terme-là, il veut dire la respiration en langue arabe. Il veut dire également d'autres termes. Ou il veut dire d'autres sens. C'est ce qu'il va expliquer ici, le shir. Et c'est ce qu'on va voir à travers la version qu'il va nous donner l'imam al-Albani, rapportée de l'imam al-Tabarani, et qui va spécifier, qui va yuwaddih, c'est-à-dire qui va encore mieux nous éclaircir ce que a pour signification le terme ici, Nafas. Le prophète sallam dit, inni ajidu Nafas al-Rahman. Donc un nafas, certains l'ont compris comme la respiration, c'est-à-dire, donc si on traduisait mot à mot ici, je trouve la respiration du tout miséricordieux venant donc min qibal al-Yaman, donc en direction, venant donc en direction du Yémen. Ils l'ont compris comme ça. Et à partir de là, donc, ils ont dit, les gens de la Sunna, ils ont sarrafu hadha al-hadith an dhahir. Ils ont donc fait dévier le sens de ce hadith. Et en réalité, c'est totalement faux. Car le hadith est authentique. Et le terme ici nafas, comme il va nous l'expliquer, et comme il va le rapporter des grands savants de la langue arabe, et parmi eux, ceux qui ont expliqué les termes difficiles dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn al-Athir, dans son livre al-Nihaya, lui-même qui va donc expliquer ce terme-là, également al-Qamus, ou Maqais al-Lura, dans tous ces livres qui se rapportent donc à la langue arabe, il va dire que ce terme-là, nafas, ça vient du terme, ou masdar, et son masdar, du verbe nafasa et nafisu tanfisan. Ou nafasa, bimala, farraja, farraju, c'est-à-dire donc dissiper. Lorsqu'on dit la dissipation d'un malheur, ou qu'on dit qu'Allah azawajal, non, qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dissipé le malheur de cette personne, on dit inna Allah nafasa makroub ou hadha al makroub an hadha al-shakhs. Taïb. Donc qu'est-ce que ça veut dire nafasa? Ça veut dire tout simplement dissiper. Dissiper un malheur. Ça a le même sens que farraja. Taqul yufarrij ou farraja tafrijan. Donc c'est exactement ici le sens. Donc ça veut dire que le shir yufarraju bihi an makroubin. Yufarraju bihi an makroubin. C'est-à-dire donc qu'il a dissipé le malheur d'une personne. Donc ici le sens du terme, ça n'a rien à voir avec nafas du mana respiration, mais ça a à voir ici le terme nafas qui a donc pour sens, comme l'ont rappelé les savants, la dissipation d'un malheur ou d'une épreuve dure d'Allah Azzawajal par rapport aux croyants. Et donc pour encore mieux comprendre cette parole du prophète Saint qui dit in yajidu nafas ar-Rahman, cette dissipation du tout miséricordieux en venant du Yémen, on va s'apercevoir que dans la version qui nous est rapportée par l'imam al-Albani dans ce As-Sahiha, reprenant donc la version de l'imam al-Tabarani fi Marjam al-Kabir, يقول حدثني سلمة بن نفيل السكوني قال دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, je me suis rapproché du prophète صلى الله عليه وسلم, حتى كادت ركبتاي تمسان فخذا فقلت يا رسول الله تركت الخير وألقي السلاح وزعم أقوام أن لا قتال فقال. Donc il s'est rapproché, il dit que je me suis rapproché du prophète saint jusqu'à que donc que mes genoux ont touché ou effleuré sa jambe sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chevaux ont été délaissés et les armes déposées, et certains وزعم أقوام, et des gens donc ont prétendu qu'il n'y avait plus de qital, qu'il n'y avait plus donc de combat. Il a dit le prophète Sam Kadzabou, donc ils ont menti. Al-an ja'a al-qital, donc maintenant est venu le combat. La yazal min ummati ummatun qa'imatun 'ala al-haqq dhahiratun 'ala an-nas. Il ne cesse donc d'y avoir dans ma communauté un groupe ummatun, un groupe donc de gens qa'imatun 'ala al-haqq, qui sont sur le chemin de la vérité, qa'imatun 'ala al-haqq dhahiratun 'ala an-nas, qui sont donc supérieurs aux gens, dhahiratun 'ala an-nas. Donc Allah Azza wa Jal, il va faire dévier les cœurs de ceux dont ils vont combattre, pour donc qu'ils ont ensuite le dessus sur eux. Et ensuite donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, lorsqu'il a dit cette parole-là, il avait donc le dos tourné au Yémen. Et ensuite donc il a dit inni ajidu nafas ar-Rahman min huna yushiru ila al-Yaman. Donc il dit je trouve ou inni ajidu, donc je trouve et je sens et je vois nafas ar-Rahman, donc ici l'assistance du tout miséricordieux, ou alors le fait qu'Allah Azza wa Jal va dissiper un malheur min huna yani yushir ila al-Yaman. Qu'est-ce qu'il va dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ensuite, comme va nous le rapporter le Cheikh Cheikh al-Uthaymeen dans son livre, il va le dire Cheikh al-Islam wa ha'ulai humu alladhina qatalu ahli ridda wa fatahu al-amsar. Donc ces gens-là, les gens du Yémen, sont ceux donc qui ont combattu les gens qui ont fait l'apostasie, l'acte d'apostasie donc du temps de Abu Bakr al-Siddiq. Qatalu ahli ridda wa fatahu al-amsar, ils ont donc conquis les contrées. Fabihim nafas ar-Rahman 'ala al-mu'minin al-kurubat. Et donc de par eux, de par les gens du Yémen, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux donc, il a dissipé des malheurs par rapport donc aux aux croyants. Et donc, il les a assistés, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça, ma'ana al-hadith, qui est un hadith authentique. Et comme il nous dit le Cheikh Charles Al-Faymin, rahmatullah alayh, il nous dit, وعلى هذا المعنى فليس الحديث من أحاديث الصفات حتى نثبت يعني النفس la respiration d'Allah عز وجل. طيب donc ça n'a strictement rien à voir avec cela. Il nous dit ولذلك لم يورده الحافظ الذهبي في جملة أحاديثها في كتابي العلو الذي كنت اختصرته. Donc il nous dit le cher, c'est pour ça également que l'imam al-Zahabi il ne l'a pas rapporté dans les hadiths concernant donc son livre, ou qu'il a rapporté dans son livre concernant Al-Ulu, donc l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas un hadith qui concerne les attributs d'Allah azawajal, bien dit précisément ici qu'on aura attribué à Allah azawajal la respiration, car le terme nafas ici, ça n'a rien à voir avec la respiration, mais c'est bel et bien, comme on l'a dit, nafas, la dissipation, l'assistance, la dissipation donc, d'un malheur. Donc on voit à partir de là, on n'est pas sorti de l'apparence du hadith, de ce qu'indique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on l'a dit ici, le terme nafas, il a bel et bien pris une signification en science, qui est un sens qui est propre à lui suivant le contexte où il est employé. Et comme l'ont expliqué les savants de la langue arabe. Donc on est revenu à la langue arabe, et il n'y a eu aucun ishkal par rapport à ça, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Donc il n'y a pas lieu d'interpréter faussement le hadith, ou de l'altérer quant à son sens. On l'attribue comme il est, ou on le laisse comme il est, et on en comprend le sens suivant donc la langue arabe et ce que nous indiquent les termes. Donc voilà pour ce qui est des trois premiers hadiths que le shir, il nous a ici détaillé, et on continuera ensuite mardi prochain ou vendredi prochain. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.